J'avais un sac à dos lourd, lourd comme une montagne. Je le promenais sans fin du nord à la castagne. Il ne servait à rien, plein de choses inutiles, du grenier de ma grand-mère, et j'avais l'air viril. Il contenait une aile à coups, un escalier en hélice, une dynamoulinette qui sentait les épices, une rivière de diamants dans une boîte à saucisses, la bougie des 1 an de ma petite sœur Alice, et une mèche hantée qui quelquefois s'éclipse. Tout ce chambardement voulait qu'on le surveille par une fermeture qui fait les étincelles. Et je le transportais et je le protégeais en pensant que jamais je ne me servirais d'une aile à coups, d'un escalier en hélice, d'une dynamoulinette qui sentait les épices, d'une rivière de diamants dans une boîte à saucisses, la bougie des 1 an de ma petite sœur Alice, et d'une mèche hantée qui quelquefois s'éclipse. Et c'est ainsi qu'un matin, en refermant mon sac, la fermeture éclair qui fait des étincelles a allumé la mèche hantée du bric-à-brac et la bougie des 1 an de ma petite sœur Alice. Puis elle s'est consumée, la bougie des 1 an, et elle a fait chauffer la rivière de diamants qui s'est mise à couler dans un lit de torrent, loin de s'imaginer ce mélange d'étonnant. La rivière de diamants, rapide et fluette, allumait gaiement la dynamoulinette. L'hélice de l'escalier qui s'est mise à tourner, loin de s'imaginer cette étrange danse d'objets. Car l'hélice d'escalier, sans doute bien maladroite, a dû donner un coup dans l'aile restée béate. Et elle s'est envolée, mon sac et moi avec, dans un élan de gloire, de surprise et de fête. Tout ça grâce à une aile à coups, un escalier en hélice, une dynamoulinette qui sentait les épices, une rivière de diamants dans une boîte à saucisses, la bougie des 1 an de ma petite sœur Alice, et une mèche hantée qui quelquefois s'éclipse. Depuis, je vole, léger comme une plume, libre comme une hirondelle, et gai comme un pinson, loin du grenier de ma grand-mère et de ses tonnes d'objets. J'ai oublié l'orgueil et ma virilité.